Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, L'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de baseball avec notre ami, de hockey avec notre ami Roger Bullard. Salut Roger. Bonjour Alain. Roger, le Canadien hier a remporté une victoire de 2-1. D'abord, évidemment, ce match-là a été assombré un peu par l'incident de John Tavares. Heureusement, ça va mieux du côté de Tavares. On a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui. Mais ça peut changer à la donne de la série, ça. Je pense que l'intensité du Canadien a surpris tout le monde. Ouais. L'intensité physique, sans aucun doute. Et après la blessure à Tavares, on a vu un ralentissement de la part des joueurs du Canadien, puis avec raison. Il y a un joueur qui est blessé sérieusement chez les Leafs. Ton intensité de frapper tout le monde est allé à la baisse. Ouais. En troisième période, on a revu cette intensité-là revenir un peu. Mais l'intensité du Canadien de frapper comme qu'ils ont fait, ça surprit tout le monde. Et effectivement, puis il y a un gars, et moi j'en étais un dessus, forcé de l'admettre, là. Moi j'aurais aimé ça voir des Caulfield, des Kotkaniemi, mais il faut dire qu'Eric Staal a fait le travail, puis les vétérans, et c'est un peu pour ça que Dominique Ducharme est allé avec l'expérience. Bon, mais les jeunes vont venir pareil, parce que les blessures forcent toujours des changements. Mais, je te donne juste l'exemple, Danny. Un gars comme Staal, il est venu jouer avec le Canadien. Mm. Lui, il savait, là, pourquoi me défoncer là, ça compte pas. Mm. Moi, ils sont venus me chercher pour les séries, pour les fêtes des séries. Alors, je vais me ménager, je vais pas me blesser. Oups, les séries commencent, c'est plus le même joueur. Ben, puis c'est là qu'il peut. Son utilité, son leadership, aux mises au jeu, Staal est quand même un des bons joueurs aux mises au jeu. Ça peut aider le Canadien, là, dans son rôle. C'est pour ça que je te mentionnais de suivre le Canadien. Les derniers matchs, les vétérans, ça n'a pas les mêmes joueurs. Mm. Mais par contre, un match ne fait pas une série, mais sauf le match a ébranlé beaucoup la confiance chez les Maple Leafs, sans aucun doute. Et là, demain, même s'il n'y a pas de foule, les Leafs doivent l'emporter. Là, on l'avait dit dès le départ que la pression était chez les Leafs, mais arriver à Montréal à 0-2, ça pourrait être difficile pour les Leafs par la suite. Ça pourrait être difficile, sauf le seul problème à Montréal, le Canadien ne joue pas bien. Ouais. Ça, c'est le point. Ça, c'est le point malheureux. Mais c'est sûr et certain, c'est un gros match pour Toronto. Oui. Roger, Toronto ne peut pas se permettre d'être 2-0. Il ne peut pas se permettre. J'ai hâte de voir comment on va sortir après la blessure de Tavares, par contre. C'est le gros point d'interrogation du côté des Leafs. Roger, je veux te parler un peu de baseball également. Les Blue Jays, j'écoutais hier Sportsnet, leur émission spéciale qu'ils ont toujours avant, leur émission d'avant-match qu'ils ont toujours. Et on parlait des trois lanceurs, Ray, Ryu et Martz, 3,49 et par la suite, quatrième et cinquième partant, ça se gâte. D'après moi, Ross Haskins n'aura pas le choix de faire une transaction. Hein? Alors, je suis de la profondeur. Présentement, ouais. Ça, il doit améliorer. Est-ce que ça va venir du niveau des filiales ou ailleurs? Son quatrième, cinquième lanceur, il n'a pas le choix. Il doit améliorer la situation parce que c'est pitoyable. Oui, oui. Roger, je suis en train de lire le livre de Frédéric Degg. J'ai écouté un petit peu, j'ai lu ton passage. Je savais pas que tu avais été impliqué dans l'échange de Gary Carter. C'est toi qui tu faisais partie des joueurs, des gens qui choisissaient les joueurs des Mets dans l'échange? L'échange de Rusty Staal, oui. OK. Dans l'échange de Gary Carter, ils m'ont demandé, parce qu'on suivait les Mets, quel joueur qui était bon dans l'organisation des Mets. Mais j'ai pas été impliqué autant que Rusty Staal. Okay. Dans le cas de Rusty Staal, j'ai été impliqué directement. Et dans le cas de Carter, c'était là comme, on peut dire, consultant, pas de pouvoir. Okay. Pas la même chose. Okay. Mais il me posait des questions sur les joueurs. Et il y a des joueurs que nous autres, on suivait, qu'on avait vu à l'œuvre, et qui étaient justement jumelés dans cet échange-là. il a choisi d'autres joueurs. Mais on parle de Rick Aguilera, on parle de Mookie Wilson. Que les joueurs que l'Expo aurait pu obtenir. Mais Yeoman, c'est forcé d'admettre que c'est trop facile à dire après, mais Yeoman, c'est pas vraiment le lanceur. J'en parlais avec Frédéric Degg justement aujourd'hui. Après Elvis Valentine, c'est pas vraiment le joueur qui s'est pas développé selon le potentiel dans l'histoire des Expos. Quel prospect, hein? Il y avait tout un bras, là. Et les deux avaient le même problème, consommation de drogue. Ouais. Les deux avaient le même problème. Tu sais, Yeoman, ça, c'était un petit Pedro Martinez. On n'allait pas confondre. Ouais. C'est un gars qui aurait facilement à quelques matchs des étoiles. Il y avait le potentiel pour aller à plusieurs matchs des étoiles de... Il avait le talent sans aucun doute. Oui. Roger, mais, oui? Les problèmes de drogue ont lieu à sa carrière. Ah, effectivement. Roger, on s'en parle la semaine prochaine? Au plaisir. Nommé Roger Brulotte.